Marcel Schwab, Vies imaginaires. Paolo Uccello, peintre. Il se nommait vraiment Paolo di Donno, mais les Florentins l'appelèrent Uccelli, ou Paul les oiseaux, à cause du grand nombre d'oiseaux figurés et de bêtes peintes qui remplissaient sa maison. Car il était trop pauvre pour nourrir des animaux ou pour se procurer ceux qu'il ne connaissait point. On dit même qu'à Padoue, il exécuta une fresque des quatre éléments et qu'il donna pour attribut à l'air l'image du caméléon. Mais il n'en avait jamais vu, de sorte qu'il représenta un chameau ventru qui a la gueule baie. Or le caméléon, explique Vasari, est semblable à un petit lézard sec, au lieu que le chameau est une grande bête dégingandée. Car Uccello ne se souciait point de la réalité des choses, mais de leur multiplicité et de l'infini des lignes. De sorte qu'il fit des champs bleus et des cités rouges et des cavaliers vêtus d'armure noire sur des chevaux d'ébène dont la bouche est enflammée, et des lances dirigées comme des rayons de lumière vers tous les points du ciel. Et il avait coutume de dessiner des masocchi, qui sont des cercles de bois recouverts de draps que l'on place sur la tête, de façon que les plis de l'étoffe rejetée entourent tout le visage. Uccello en figura de pointus, d'autres carrés, d'autres à facettes, disposés en pyramides et en cônes. Suivant toutes les apparences de la perspective, si bien qu'il trouvait un monde de combinaisons dans les replis du masocchio. Et le sculpteur Donatello lui disait « Ah, Paolo, tu laisses la substance pour l'ombre !» Mais l'oiseau continuait son œuvre patiente, et il assemblait les cercles, et il divisait les angles, et il examinait toutes les créatures sous tous leurs aspects, et il allait demander l'interprétation des problèmes d'Euclide à son ami le mathématicien Giovanni Manetti. Puis il s'enfermait et couvrait ses parchemins et ses bois de points et de courbes. Il s'employa perpétuellement à l'étude de l'architecture, en quoi il se fit aider par Filippo Brunelleschi. Mais ce n'était point dans l'intention de construire. Il se bornait à remarquer les directions des lignes, depuis les fondations jusqu'aux corniches, et la convergence des droites à leurs intersections, et la manière dont les voûtes tournaient à leurs clés, et le raccourci en éventail des poutres de plafond qui semblaient s'unir à l'extrémité des longues salles. Il représentait aussi toutes les bêtes et tous leurs mouvements, et les gestes des hommes afin de les réduire en lignes simples. Ensuite, semblable à l'alchimiste qui se penchait sur les mélanges de métaux et d'organes, et qui épiait leur fusion à son fourneau pour trouver l'or, Uccello versait toutes les formes dans le creuset des formes. Il les réunissait et les combinait et les fondait afin d'obtenir leur transmutation dans la forme simple d'où dépendent toutes les autres. Voilà pourquoi Paolo Uccello vécut comme un alchimiste au fond de sa petite maison. Il crut qu'il pourrait muer toutes les lignes en un seul aspect idéal. Il voulut concevoir l'univers créé ainsi qu'il se reflétait dans l'œil de Dieu, qui voit jaillir toutes les figures hors d'un centre complexe. Autour de lui vivaient Ghiberti, Della Robbia, Brunelleschi, Donatello, chacun orgueilleux et maître de son art, raillant le pauvre Uccello et sa folie de la perspective, plaignant sa maison pleine d'araignées, vide de provisions. Mais Uccello était plus orgueilleux encore. À chaque nouvelle combinaison de lignes, il espérait avoir découvert le mode de créer. Ce n'était pas l'imitation où il mettait son but, mais la puissance de développer souverainement toute chose. Et l'étrange série de chaperons à plis lui semblait plus révélatrice que les magnifiques figures de marbre du grand Donatello. Ainsi vivait l'oiseau, et sa tête pensive était enveloppée dans sa cape. Et il ne s'apercevait ni de ce qu'il mangeait, ni de ce qu'il buvait, mais il était entièrement pareil à un ermite. En sorte que dans une prairie, près d'un cercle de vieilles pierres enfoncées parmi l'herbe, il aperçut un jour une jeune fille qui riait, la tête sainte d'une guirlande. Elle portait une longue robe délicate, soutenue aux reins par un ruban pâle, et ses mouvements étaient souples comme les tiges qu'elle courbait. Son nom était Selvaggia, et elle sourit à Uccello. Il nota la flexion de son sourire, et quand elle le regarda, il vit toutes les petites lignes de ses cils, et les cercles de ses prunelles, et la courbe de ses paupières, et les enlacements subtils de ses cheveux. Et il fit décrire dans sa pensée à la guirlande qui saignait son front une multitude de positions. Mais Selvaggia ne sut rien de cela, parce qu'elle avait seulement 13 ans. Elle prit Uccello par la main, et elle l'aima. C'était la fille d'un teinturier de Florence, et sa mère était morte. Une autre femme était venue dans la maison, et elle avait battu Selvaggia. Uccello la ramena chez lui. Selvaggia demeurait accroupi tout le jour, devant la muraille sur laquelle Uccello traçait les formes universelles. Jamais elle ne comprit pourquoi il préférait considérer des lignes droites et des lignes arquées à regarder la tendre figure qui se levait vers lui. Le soir, quand Brunelleschi ou Manetti venaient étudier avec Uccello, elle s'endormait, après minuit, au pied des droites entrecroisées, dans le cercle d'ombre qui s'étendait sous la lampe. Le matin, elle s'éveillait avant Uccello, et se réjouissait parce qu'elle était entourée d'oiseaux peints et de bêtes de couleur. Uccello dessina ses lèvres et ses yeux et ses cheveux et ses mains et fixa toutes les attitudes de son corps. Mais il ne fit point son portrait, ainsi que faisaient les autres peintres qui aimaient une femme. Car l'oiseau ne connaissait pas la joie de se limiter à l'individu. Il ne demeurait point en un seul endroit. Il voulait planer, dans son vol, au-dessus de tous les endroits. Et les formes des attitudes de Selvaggia furent jetées au creuset des formes, avec tous les mouvements des bêtes et les lignes des plantes et des pierres, et les raies de la lumière, et les ondulations des vapeurs terrestres et des vagues de la mer. Et, sans se souvenir de Selvaggia, Uccello paraissait demeurer éternellement penché sur le creuset des formes. Cependant, il n'y avait point à manger dans la maison d'Uccello. Selvaggia n'osait le dire à Donatello ni aux autres. Elle se tut et mourut. Uccello représenta le roidissement de son corps et l'union de ses petites mains maigres et la ligne de ses pauvres yeux fermés. Il ne sut pas qu'elle était morte, de même qu'il n'avait pas su si elle était vivante. Mais il jeta ses nouvelles formes parmi toutes celles qu'il avait rassemblées. L'oiseau devint vieux, et personne ne comprenait plus ses tableaux. On n'y voyait qu'une confusion de courbes. On ne reconnaissait plus ni la terre, ni les plantes, ni les animaux, ni les hommes. Depuis de longues années, il travaillait à son œuvre suprême, qu'il cachait à tous les yeux. Elle devait embrasser toutes ses recherches, et elle en était l'image dans sa conception. C'était saint Thomas incrédule, tentant la plaie du Christ. Uccello termina son tableau à 80 ans. Il fit venir Donatello et le découvrit pieusement devant lui. Et Donatello s'écria, « Oh Paolo, recouvre ton tableau !» L'oiseau interrogea le grand sculpteur, mais il ne voulut dire autre chose. De sorte qu'Uccello connut qu'il avait accompli le miracle. Mais Donatello n'avait vu qu'un fouillis de lignes. Et quelques années plus tard, on retrouva Paolo Uccello mort d'épuisement sur son grabat. Son visage était rayonnant de rides. Ses yeux étaient fixés sur le mystère révélé. Il tenait dans sa main, strictement refermée, un petit rond de parchemin couvert d'entrelacements qui allait du centre à la circonférence et qui retournait de la circonférence au centre.